അപ്പോൾ 5-1. Bienvenue au premier programme de cette année d'Apple 5.1. Je suis Béatrice et voilà notre résumé d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous offrira la nouvelle année quand on lance mon d'Apple? Dans notre section Gusanillo, nous aborderons les différentes propositions lancées par les experts. Nous verrons aussi les actualités dans Pas seulement Apple. Quelles ont été les grandes déceptions des applications iOS en 2012? Dans la section Cupertino, nous verrons les pires applications de l'année. Notre compote d'idées fait ses adieux à l'année 2012 en rendant hommage à une très grande femme qui nous a laissés. Un jeune de seulement 13 ans chante en mémoire à Whitney Houston. N'oubliez pas que vous pouvez nous contacter via Twitter @a5.a tout attaché ou à travers notre site www.a5.a.s. Vous pouvez également nous écrire à apple51.français@gmail.com. Nous possédons aussi un compte Instagram et nous sommes Apple5.1. Et si vous avez un podcast et vous voulez l'écouter dans notre programme, n'hésitez pas, envoyez-le-nous à notre adresse mail et nous la passerons. À présent, commençons avec le programme numéro 1 d'Apple5.1. Les petits bers. Le début de la nouvelle année a commencé et c'est pourquoi il semble nécessaire de faire le bilan sur tout ce qui s'est passé. Certains effectuent des prévisions sur ce que les entreprises peuvent apporter cette année. Nous allons étudier ce que les professionnels de la technologie prévoient sur ce qui va se passer cette année au siège de Cupertino. Il y aura beaucoup de divergences et coïncidences. Qui arrivera à les trouver? Nous les verrons et les saurons qu'au courant de l'année. Tous les journaux que nous avons consultés nous montrent que les salaires dans les bénéfices annuels d'Apple vont continuer à baisser, en accord avec la tendance des dernières années. Par conséquent, cela ne vient pas de la crise, mais plutôt du rôle qui jouera Tim Cook, qui a été interrogé par plusieurs spécialistes qui ont remarqué les bilans financiers de l'entreprise. Munster, l'un des géants consultants américains, prévoit un temps fort en mars 2013 avec le lancement de son iPad mini Retina, une quatrième génération d'Apple TV, et aussi le lancement d'une plateforme musicale propre à iTunes, du même genre que Pandora ou Spotify. En juin, l'entreprise prévoit de lancer l'iOS 7. Dans le même genre, les MacBook Air pourraient également hériter d'un écran Retina. En septembre, les passionnés de téléphonie pourront découvrir le nouveau iPhone 5S que l'entreprise qualifie comme une simple mise à jour de l'iPhone 5. À cette même date, le nouvel iPad 5 apparaîtra de la même façon que l'iPhone 5 et du mini iPad. Enfin, en novembre, Apple lancera sa gamme de télévision avec des écrans de 42 à 55 pouces avec des prix qui oscilleront entre 1200 et 1600 euros. Et vous pouvez donc constater qu'Apple innove et propose toute une panoplie de nouveautés. Le fameux magazine économique Forbes prévoit 3 nouveautés technologiques pour 2013 dans la liste des 10 prévisions consacrées à Apple. Il prévoit tout d'abord le lancement d'un MacBook Air avec iOS intégré comme un premier pas à l'intégration totale de ces dispositifs dans un seul système opérationnel. Il prévoit également qu'au milieu de l'année 2013, Apple lancera une version low-cost d'iPhone, autrement dit iPhone mini. Cette version a pour but d'augmenter la part de marché d'Apple avec ses prix qui ne devraient pas augmenter. Enfin, la dernière prévision prévue par Ford est que dans la seconde moitié de l'année, Apple lancera sa propre télévision, un coup dur qui devra supporter ses concurrents. Apple compte innover dans les moindres détails avec une accessibilité à l'iOS depuis l'appareil lui-même. Notre troisième consultant, spécialiste en études de marché, mise aussi sur le lancement d'une version plus économe de l'iPhone. Avec une pénétration sur les marchés d'un 15-20% au total, Apple prétendrait d'avancer ses parts de plus de 100% à la fin de l'année pour couvrir 25% du marché global des smartphones. Finalement, conforme, il croit que le MacBook Air sera mis à jour avec iOS vu le bon fonctionnement que le système a dans l'iPad 4 et qui pourrait parfaitement supporter des écrans inférieurs à 14 pouces. L'objectif serait aussi de regrouper ces deux systèmes opérationnels en un seul. Et nous laissons pour la fin les plus risqués des paris que nous avons trouvés. Il s'agit d'un programme de lancement pour la période 2013-2015 qui sera divisé en 10 phases. Première phase, de janvier à mars 2013, Apple entrera sur le marché des livres grâce à iBooks avec des livres pour collège et université. À cette même période, on annoncera la décatalogation de l'iPad 2. Phase 2, dans la même période que la précédente, on assistera au lancement du MacBook Air Retina avec une nouvelle mise à jour de FaceTime à plus haute définition avec 15 secondes pour Thunderbolt. Phase 3, 4 et 5 à développer fin 2013. Dans la phase 3, Lightning sera mise à jour avec des câbles avec support USB 3.0. L'iPad mini deviendra Retina avec une amélioration des microphones à Esther et du FaceTime qui passera à 1080 points. La phase 4 concerne iCloud pour les iPods avec un accès Wi-Fi. iTunes sera renouvelé et les iPods classiques et les Shuffle disparaîtront du marché. Dans la phase 5, l'iPhone 5 sera amélioré encore plus avec sa résolution d'écran de 326 points à 440. Il pourrait même y avoir un mouvement suivant une résolution de 652 points par pouce sans modifier les rapports. En début de l'année 2014, les phases 6 et 7 s'éprouveraient. Dans la phase 6, on renouvelle totalement les Mac Mini en ajoutant un second port Thunderbolt et en élevant les disques durs. On élimine aussi les ports FireWire et les ports de réseau. Dans la phase 7, les Lightning avancent vers les câbles Thunderbolt pour les futurs dispositifs d'iOS. Au second semestre de 2014, la phase 8 donnera lieu à l'apparition du Mac Retina, un nouveau port Thunderbolt version 2. La nouveauté sera insuffisante pour ce modèle. Il n'y a pas disque dur en devenant tout SSD. Disparition du port de réseau et augmentation de la FaceTime à 1080. Enfin, en 2015, les deux dernières phases auraient lieu. Et finalement, dans la phase 9, les MacBooks se fusionneraient davantage dans une seule ligne de produits appelée MacBook. On assisterait à une amélioration de la GPU intégrée dans ces modèles et la phase 10 aboutirait à l'intégration d'iOS et OS X dans un seul système opérationnel. Fiction ou réalité? Cela reste maintenant à vérifier. Mais ce qui est certain est que nous ne serons pas ennuyés cette année et nous assisterons à des grandes surprises prévues par Cupertino. Je ne sais pas ce que vous penserez, mais si c'était le cas, qui pourrait faire face à toutes ces nouveautés? Quelle alternative avons-nous? Celle de vendre notre corps? Pas seulement Apple. Dans cette session, nous allons vous parler de cette nouvelle. La première, les mesures d'anti-jailbreak augmentent dans la version future 6.1 d'iOS. Le jailbreak est très important pour beaucoup de personnes dans ce dispositif iOS. Eh bien, l'un des hackers les plus connus comme Ion AC a reconnu la difficulté de réaliser le jailbreak dans les versions actuelles d'iOS en osant dire que iOS sera infranchissable. Comme vous savez, nous n'avons pas encore aucun type de jailbreak pour les dispositifs de dernière génération comme l'iPhone 5 et l'iPad mini et cela montre la difficulté de casser les systèmes de sécurité d'iOS 6 que depuis la marche de Scott Forstall, il paraît qu'ils sont renforcés. Il est malheureux que les hackers cessent tôt ou tard d'essayer de trouver des failles de sécurité dans les systèmes d'iOS puisque tandis qu'ils les cherchent, Apple continuera à renforcer la sécurité en laissant retarder les progrès des hackers. On continue avec la deuxième nouvelle. Chitika démontre l'effet que l'accroissement des passages à iOS 6 de 26% puisse être attribué à Google Maps. On entend cette semaine que selon un rapport, depuis le lancement de Google Maps pour iOS, le pourcentage d'adoption d'iOS aurait augmenté de 26% en avançant l'argument de faiblesse de l'application Plans d'appel pour expliquer les pourcentages antérieurs plus faibles. Mais Chitika, une grande plateforme publicitaire, n'a pas tardé à démentir cette information à l'aide des données rassemblées qui montrent que le lancement de Google Maps pour iOS aurait entraîné une augmentation de seulement 0,2%, ce qui expliquerait réellement l'augmentation d'adoption d'iOS 6 et le lancement de l'iPhone 5 en Chine, puisque plus de 2 millions d'appareils ont été vendus en seulement 2 heures. Sincèrement, je suis plutôt d'accord avec les arguments de Chitika. La troisième nouvelle, c'est le problème de batterie en iOS 6.0.2. Alors, Si vous êtes un utilisateur d'un iPhone 5 ou d'un iPad mini par exemple, vous savez-vous qu'Apple a lancé une actualisation du système, iOS 6.0.2, laquelle résout le problème de connexion Wi-Fi dans ce dispositif. Eh bien, plusieurs utilisateurs ont commencé à faire public post des messages dans différents forums de support d'Apple où ils se plaignent des problèmes de batterie en iOS 6.0.2. Apparemment, l'autonomie s'est réduite et la batterie s'use même quand on n'utilise pas les dispositifs. Dans mon cas personnellement, moi j'ai vécu ce problème. Mon iPhone 5 a eu un problème de batterie, ce qui a réduit considérablement son autonomie. Ensuite, Apple Store m'a conseillé de ne pas actualiser la page car même eux ont reconnu les problèmes et ils ne vont pas tarder à les résoudre. Donc, si vous n'avez pas de problème de connexion, moi je vous recommande de ne pas actualiser. On avance avec la quatrième nouvelle. Apple lance un nouvel site d'état du système. C'est quoi ça? Je vous explique. Apple est en train de faciliter sa clientèle à savoir quand les services essentiels ont des problèmes. Comment? À travers un site web de support beaucoup plus détaillé et actualisé. Les salaires sont divisés par services, magasins et iCloud. De plus, le site web inclut un calendrier détaillé pour être au courant des salaires précédents. Auparavant, les sites d'état du système Apple nous informaient simplement si les services étaient en ligne et ils signalaient les problèmes d'inactivité récents. Donc, la prochaine fois que quelque chose ne marchait pas sur votre iPhone ou Mac, avant de vous rendre fou en cherchant une possible solution, allez sur les sites d'état du système d'Apple et assurez-vous que ce n'est pas un problème général avec quelques services d'Apple. Cinquième nouvelle. Foursquare pourrait s'intégrer dans les maps d'iOS 6. Apple et Foursquare ont commencé à négocier la possibilité d'intégrer les dons de la 12e dans ces maps, c'est-à-dire Foursquare et les maps d'iOS 6 pourraient s'unir pour concurrencer contre Google Maps. La compagnie a déjà un accord similaire avec Yelp, laquelle offre une formation de divers commerces et la possibilité de réserver directement depuis Siri. Pour le moment, les négociations entre les équipes de Foursquare et les maps d'iOS 6 se trouvent dans une étape préliminaire, même s'ils ne sont pas déroulés pendant les dernières semaines. On verra si la nouvelle est bien arrivée, puis que nous sommes les bénéficiaires de tout ça. Et notre avant-dernière nouvelle, le scandale d'AppleCare en Italie se solde avec les paiements d'une amende. Au temps dernier, la présence d'Apple dans les procès judicieux est en train de se transformer dans une dangereuse habitude laquelle la seule chose qu'il fait, c'est de nuire à Apple. Cette fois, Apple s'affronte à une amende pour vendre AppleCare en Italie quand la législation de ces pays oblige à Apple à offrir 200 de garanties. Nous ne saurons pas comment la clientèle italienne d'Apple se sentira, mais nous imaginons qu'ils ne doivent pas être contents. Plus ou moins comme ici en Espagne, si on achète notre produit dans une Apple Store, nous aurons un an de garantie, qui peut être agrandi à 3 si on achète AppleCare. Cependant, si on acquérit notre produit Apple dans d'autres centres de distribution autorisés comme MediaMarkt ou El Corte Inglés, nous profiterons de 200. Incroyable, mais certain. Et voici la dernière nouvelle. Apple Store, cas de corruption dans les magasins d'États-Unis. Le journal digital Gizmodo vient de dévoiler un scandale à Jean-Lier depuis quelques mois dans quelques Apple Store que la compagnie possède aux États-Unis. En effet, certains employeurs ont des problèmes graves de comportement et cela met en danger la réputation de la compagnie. La perfection d'Apple s'est vue cassée à cause d'employeurs qui abîment pour s'amuser, organisent des fêtes ou volent des produits dans les magasins pour plaisir. Mais ça n'est pas tout. L'employé qui a dévoilé tout ce scandale confirme que dans les magasins se produisent des cas d'harcèlement de façon régulière, sans aucun type de conséquences légales. Cupertino. Pinterest commence à être une référence dans les réseaux sociaux. Il s'est imposé un peu de temps comme un important rival de Tumblr. Pinterest permet de télécharger une image avec ses commentaires et il est en plus parfaitement intégré avec d'autres réseaux. Pinterest a ouvert ses portes et est passé d'un réseau sur invitation à un réseau public. De ce fait, bien qu'il existe depuis 2010, ce changement a permis dans les derniers mois de multiplier son nombre d'utilisateurs par 10. Pour cette raison, s'est lancée une nouvelle version de son application du même nom, Pinterest, la version 2.0 universelle pour tous les dispositifs iOS, qui profite en plus du maximum des capacités de l'écran du nouvel iPad. L'application est gratuite et se trouve déjà dans l'Apple Store. Il s'est aussi lancé une version pour Android afin de développer sa clientèle. La première fois qu'on l'accède à l'application, Pinterest vous demande de vous enregistrer avec un concept original dans lequel vous devez tout d'abord faire la sélection des 5 images qui vous montrent à l'écran. Images qui n'ont aucun texte de mention mais qui serviront au programme pour définir les catégories ou domaines qui vous intéressent le plus. Après l'inscription, nous accédons à notre mot. La présentation visuelle est très voyante et permet de naviguer avec beaucoup de fluidité dans toutes les catégories et classifications, en plus de pouvoir partager chacune des images par Facebook ou Twitter de façon très simple. Dans les menus de l'application, nous pouvons choisir les catégories qui nous intéressent le plus pour voir les images qui y sont téléchargées. Quand nous choisissons une image, ou badge, comme l'application l'appelle, il est possible de la partager avec Twitter, Facebook, de l'envoyer par courrier ou encore de la garder dans notre rouleau. De plus, dans un mélange entre Twitter et Facebook, l'application nous permet de partager l'image avec nos contacts ou de la marquer comme « j'aime » comme nous le faisons avec une publication Facebook. En plus, elle a un poids de 18 mégas et s'utilise dans plusieurs langues, entre autres en castillan. Elle présente un écran divisé 4 colonnes de bas ou d'image et un système de navigation qui, à droite ou à gauche, permet d'accéder aux catégories et à vos publications. En outre, dans cette dernière version, il incorpore un navigateur web très fluide. Sans aucun doute, Pinterest fera beaucoup parler de lui dans les prochains mois. La compote d'idées. Everything that you do, I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside, I can't run from myself. There's nowhere to hide. Le 12 février 2012, Whitney Houston est décédée dans un hôtel de Los Angeles. Le monde de la musique perdait l'une de ses grandes voix et dans notre section, nous ne voulions pas laisser passer l'opportunité de lui rendre un hommage particulier. James Anderson, à seulement 13 ans, chantait sa propre version de « I Have Nothing » 24 heures après sa mort. I can't hold on to. don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hurry back again. This passion inside, I can't run from myself. There's nowhere to hide. Your love, I remember forever. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. Or must I imagine you there? Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. Los manzanitos. Dans ce premier programme, nous voulons vous rappeler que dans cette session, nous répondrons à vos questions et nous parlerons de certains sujets les plus importants dans les réseaux. N'oubliez pas que pour nous, il est très important de connaître votre avis et c'est pourquoi nous aimerons que nous vous demandiez tout ce que vous voulez. Contactez-nous par n'importe quel moyen que nous avons à votre disposition, par mail, à travers notre site web ou Twitter, et nous serons enchantés de pouvoir vous répondre à toutes vos questions. Nous voulons aussi vous remercier pour la superbe bienvenue. Et pour commencer, nous répondons à un utilisateur qui nous a demandé par la musique qui accompagne la promo et si dans les programmes, il y aura aussi de la musique. Comme vous aurez pu vérifier, dans Appel 5.1, la musique est une partie très importante du programme. Dans chaque session, nous aurons une chanson différente. Si vous voulez connaître les noms des chansons, allez sur le site web de... Alors, je vous appelle G-A-M-E-N-D-O Jamendo.com et iCompositions.com. Bon, on est arrivé à la fin. C'est ici que se termine notre programme et nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle année 2013 qui, pour nous, représente notre naissance dans les milieux. J'espère que tous les mauvais moments disparaîtront avec 2012 et que 2013 sera rempli de rêves et de nouveaux projets pour tous. J'espère aussi que la crise s'atténuera et que la nouvelle année sera remplie d'espoir et d'opportunités. Nos meilleurs vœux pour tous qui, semaine après semaine, sont là, de l'autre côté du micro, nous remontent les morales, nous suivent et ne sont pas prêts à jeter l'éponge. Nous espérons que la nouvelle année rendra possible la réalisation de vos rêves et aspirations, ainsi que la transformation en joie de ce qui est aujourd'hui larmes et tristesse. Nous vous souhaitons encore une bonne année, de bon cœur, de la part de tous qui réalisent ces programmes. Et c'est ici que nous nous arrêtons et que nos routes se séparent. Nous reviendrons les mois prochains en essayant de donner le meilleur de nous-mêmes pour les prochains numéros. L'année change, mais pas notre compromis de vous raconter chaque fois quelque chose de nouveau. C'était Béa et je vous promets de tenir nos engagements. Bisous! There is one advice you need, please take it easy. You have to take it easy. It's a matter of state of mind. You have to open up inside. It's a matter of state of mind. There is so much left to see outside. It's not such a bad word. Don't know if someone will annihilate us, if we'll have to capitulate, plus if there will be a radioactive war. Keep your nerves, please keep your nerves. Turn off your TV now. But please stop questioning and keep on enjoying every little moment you live and then a breath you take. It's not worth fighting, it's not worth worrying. There is one advice you need, please take it easy. You have to take it easy. Take it easy. And take it easy. Just take it easy. Take it easy.